les gars. DJ Maxwell, Alpha Mion, sauve les gars. Aïe aïe aïe, nous avons dit les gars. Au saut de la chienne, sauve les gars. Aïe aïe aïe, nous avons dit les gars. Esprit contrôle, Roma Coco. Sauve les gars, aïe aïe aïe, nous avons dit les gars. Connais secret, sauve les gars. Deux fois, Baki, sauve les gars. Sauve les gars, DJ. Sauve les gars, sauve les gars. Yé, elle est venue pour tiller. Blanchard, Kofi. Tiller, demande à ma Sim, Dibo, la voix de Lyon. Mala, Edi, Pali, Chamaquana. Mala, Chamaquana, Simo, Oloni. Mala, Mela, Dibas, Edi, Pali, la Chamaquana. Mala, Tassé, Koutassé, Chamaquana. Mala, Héritier, Dike. Ahmed, le jubilé de Londres. Maman, Polo, Véronique. Mala, Tiller, pour tiller, petit famille. Hey, sonne les Zulu. Tiller, pour tiller. Maïga, Tiller, Télé, Paro. Chamaquana. Vita, c'est Genève. DJ Tozongi, Arnaud le Pharaon. Dédicace à tous les danseurs de la Chamaquana depuis le Banco 2. Yeah. C'est pas voler quelqu'un, Serge Beno, la rouge, trois fois petit Nili. Nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars,